La délégation du Parti Travail de Corée, conduite par Kim Yong-chol, membre du bureau politique et vice-président de son comité central, a quitté Pyongyang par avion le 21 courant pour visiter la République de Cuba.